Section 16. Chapitre 30 et chapitre 31. Chapitre 30. L'exposition. Kersak et Jean étaient fatigués. Ils dormirent tard le lendemain. Lorsque le petit Roger fit dire à Jean de venir chez lui, Kersak dormait encore et Jean finissait de s'habiller. Il s'empressa de descendre près du pauvre malade qui le reçut avec son doux et aimable sourire. « Roger, tu es rentré hier bien tard, Jean. T'es-tu bien amusé ?» Jean, beaucoup, monsieur Roger, ce qui n'empêche pas que j'ai souvent pensé à vous et que j'aurais bien voulu pouvoir m'échapper et venir passer une heure ou deux avec vous. Roger, merci, mon bon Jean, raconte-moi ce que tu as fait. Jean raconta la farce en wagon de messieurs Abel, Cain et Seth et l'écrasement de la grosse petite dame rouge par Kersak qui croyait la secourir. Puis l'histoire des saltimbanques, du marteau magique, la mésaventure de Jeannot qui avait perdu 3 francs en voulant gagner une pièce d'or. Il raconta le dîner, la leçon de danse, le bal, et tout ce qui pouvait amuser Roger et le distraire un instant de ses souffrances. Le pauvre enfant souriait, il n'avait plus la force de rire. Il remerciait Jean du regard, dans les moments où il souffrait trop, il lui faisait signe de s'interrompre. Jean resta ainsi 1 heure avec lui. Il retourna ensuite près de Kersak qui s'éveillait et qui fut très honteux quand il sut qu'il était 10 heures. Kersak, je n'ai pas l'habitude de s'éveiller, de ces fatigues extraordinaires et de ces repas monstres qui vous rendent lourds et paresseux. À la ferme, je me fatigue davantage et j'ai moins besoin de repos. J'y serai heureusement demain matin et dès mon arrivée, j'arrangerai mon affaire avec ta mère. Le plus tôt sera le mieux. Je lui avais promis de t'emmener. Veux-tu venir passer quelques jours avec nous ? Jean, j'en serais bien heureux, monsieur, mais je ne puis quitter mon pauvre petit monsieur Roger dans l'état où il est. Je ne suis pas grand-chose, mais il me demande souvent, et je réussis à le distraire un peu. M'a-t-il fait répéter 2 fois ma rencontre avec monsieur Abel, quand il s'est fait passer pour voleur, et puis notre voyage en carriole et la bonne journée que vous m'avez fait passer, monsieur. Vous voyez que ce serait mal à moi de le quitter dans ce moment. Kersak, tu as raison, mon enfant, tu es un bon et brave garçon. Monsieur Abel va arriver bientôt pour nous mener au tableau. Nous déjeunerons avant de partir, j'espère bien. J'ai l'estomac creux que c'est effrayant. Monsieur Abel arriva, leur dit de se tenir prêts pour 1 heure. Ils furent exacts. Monsieur Abel les fit monter dans sa voiture. Kersak, vous avez encore là une jolie bête, monsieur, mais elle ne vaut pas celle d'hier. J'en ai rêvé de l'autre. Si j'avais une bête qui lui ressemblât, je passerais des heures à la faire trotter. Quelle trotteuse! Je l'attellerai rien que pour l'avoir filé. Monsieur Abel l'écoutait en souriant. Il paraissait content de l'enthousiasme de Kersak pour sa jument. Quand ils entrèrent dans la salle de l'exposition, monsieur Abel les mena d'abord devant les plus beaux tableaux, puis il leur fit voir les siens. Un groupe de 4 tableaux de chevalet attira de suite leur attention. Jean regardait avec une surprise et une joie qui se manifestèrent par des exclamations que M. Abel chercha vainement à arrêter. Jean, voilà Simon, me voilà, moi, et nous voilà dansant. Ah, ah, ah, vous voilà, monsieur, on ne vous voit que le dos, mais je vous reconnais bien tout de même. Nous voilà, Simon et moi, avec nos habits neufs. C'est ça, c'est bien ça. Voyez donc, monsieur Kersak, et voilà Simon et Aimé, c'est comme ils étaient le jour du bal. Oh, monsieur, que c'est beau, que c'est donc joli, que vous êtes heureux de faire de si belles choses. Jean ne voyait pas la foule qui s'était rassemblée autour d'eux. On chuchotait, on nommait tout bas monsieur Abel de N. Celui-ci avait fait de vains efforts pour arracher Jean à son enthousiasme. Il ne voyait que ses tableaux, il n'entendait que sa propre voix. Contrarié, presque impatienté, monsieur Abel voulut s'en aller. Mais la foule, qui se composait d'artistes, les avait cernés. Il fallait rester là. Lorsqu'il se retourna pour chercher une issue, toutes les têtes se découvrirent. Monsieur Abel salua et sourit avec sa politesse et son affabilité accoutumée. La foule commença à s'émouvoir, à s'agiter. Quelques vivas se firent entendre. « Messieurs de grâce, dit Monsieur Abel en souriant, je demande le passage. Jean, viens, mon ami. Jean, il s'appelle Jean, chuchotèrent quelques voix. Jean sortit enfin de son extase. « Oh, monsieur » commença-t-il. « Monsieur Abel, chut, nigaud, silence, je t'en supplie, et suis-moi. » Jean suivit machinalement. La foule voulut suivre aussi. M. Abel se retourna, ôta son chapeau. « Messieurs, je vous en supplie, permettez que je me retire, je vous en prie, » ajouta-t-il avec dignité, mais avec grâce. La foule, toujours chapeau bas, obéit à cette injonction. On le laissa s'éloigner, on ne le suivit que du regard. Seulement quand il fut à la porte, des vivats et des applaudissements éclatèrent. M. Abel précipita le pas. Longtemps encore, lui et ses compagnons purent entendre éclater l'enthousiasme pour le grand artiste, l'homme de bien et le caractère honorable, si universellement aimé, respecté et admiré. Quand ils furent en voiture, « Monsieur Abel, jolie scène que tu m'as amenée avec ton enthousiasme et tes exclamations. » Jean, « Pardonnez-moi, monsieur, j'étais hors de moi. Je ne savais ce que je disais. Pourquoi m'avez-vous arraché de là, monsieur? J'y serais resté 2 heures. » Monsieur Abel, « Et c'est bien pour cela, parbleu, que je t'ai emmené. Tu as entendu leurs cris. 5 minutes de plus, ils me portaient en triomphe comme les empereurs romains. C'eût été joli. Tous les journaux en auraient parlé. Je n'aurais plus su où me montrer. » Jean était honteux, Kersak riait, M. Abel rit avec lui, donna une petite tape sur la joue de Jean, et la paix fut ainsi conclue. Chapitre 31. Mort du petit Roger. Kersak devait partir le soir même. Il profita du temps qui lui restait pour courir tout Paris avec Jean. En rentrant pour dîner, ils étaient rendus de fatigue. « Dis donc, Jean, dit Kersak, je voudrais bien, avant de quitter Paris, emporter une bénédiction de votre petit ange. Cela me porterait bonheur. Demande donc si je puis le voir. Voici l'heure du départ qui approche. Je ferai mon petit paquet pendant que tu feras la commission. » Jean revint avant même que le petit paquet fût fini. Roger voulait de son côté voir Kersak avant son départ. Quand ils entrèrent dans sa chambre, Kersak fut frappé de l'altération des traits de l'enfant. La pâleur du visage, la difficulté de la respiration annonçaient une aggravation sérieuse dans son état. « Venez, mon bon monsieur Kersak, dit Roger d'une voix entrecoupée. « Venez, je ne vous verrai plus, mais je prierai pour vous. Adieu, adieu. Bientôt, je serai près du bon Dieu. Je suis heureux d'avoir tant souffert. Le bon Dieu me récompensera. » Kersak s'agenouilla près du lit. « Cher petit ange du bon Dieu, bénissez-moi une dernière fois, » dit-il en posant sur sa tête la petite main de Roger, crispée par la souffrance. « Que le bon Dieu vous bénisse, et vous aussi, Jean. Adieu. » Le pauvre petit recommença une crise. Madame de Grignan pria Kersak de sortir. Jean demanda à Madame de Grignan s'il pouvait lui être utile. Sur sa réponse négative, il accompagna Kersak. Le dîner de l'office fut triste. Chacun s'attendait à la fin prochaine du petit Roger. Tout le monde l'aimait, le plaignait. Tous étaient attendris de ses terribles souffrances. Kersak dut partir en sortant de table. Il remercia affectueusement le bon Barkus de ses soins et de son obligeance. Il remercia aussi les gens de la maison, qui tous avaient contribué à lui rendre agréable son séjour chez eux. Il chargea Barkus de ses respects et de ses remerciements pour monsieur et madame de Grignan, et partit avec Jean. En revenant du chemin de fer, Jean passa chez monsieur Abel. Fatigué de sa journée de la veille, il était chez lui, en robe de chambre. « Monsieur Abel, te voilà, Jean. Eh bien, tu as l'air tout triste. Qu'y a-t-il donc, mon ami ?»« Jean, je crains, monsieur, que notre cher petit monsieur Roger ne soit bien près de sa fin. Son visage est si altéré, sa voix si affaiblie depuis sa dernière crise, je suis venu vous prévenir, monsieur. » Monsieur Abel, je te remercie, mon enfant. Je voulais me coucher de bonne heure, le croyant mieux, mais ce que tu me dis m'inquiète, et j'aime trop cette excellente famille pour l'abandonner dans des moments si douloureux. Monsieur Abel sonna, un valet de chambre entra. Monsieur Abel, « allez me chercher une voiture pendant que je m'habille, Baptiste. »« Baptiste, monsieur veut-il que je dise à Julien d'atteler ?»« Monsieur Abel, non, cela prendrait trop de temps. Une voiture, la première venue. » Le valet de chambre sortit, monsieur Abel s'habillait. « Jean, aide-moi à passer mon habit. J'entends Baptiste qui revient. »« La voiture de monsieur, » dit Baptiste en rentrant. Monsieur Abel, viens, Jean, je t'emmène. Dépêchons-nous. 10 minutes plus tard, ils étaient à l'hôtel de Monsieur de Grignan. « Comment va l'enfant ? » dit Monsieur Abel au concierge en entrant précipitamment. « Mal, monsieur, très mal, » répondit le concierge. « Le docteur sort d'ici. On vient d'envoyer chez vous, monsieur, et chez monsieur le curé de la Madeleine. » Abel remonta rapidement l'escalier, traversa les salons. La porte de Roger était ouverte. L'enfant était inondé de sueur. Ses yeux entr'ouverts, son regard voilé par les approches de la mort, sa bouche contractée par les souffrances de l'agonie, ses mains crispées et agitées de mouvements convulsifs annonçaient une fin prochaine. Monsieur et madame de Grignan, à genoux près du lit, contemplaient avec une douloureuse résignation l'agonie de leur enfant. Suzanne, moins forte pour lutter contre la douleur, à genoux près de sa mère, sanglotait, le visage caché dans ses mains. Abel se mit entre la mère et la fille, pria avec eux et commença à réciter les prières des agonisants. Un léger sourire parut sur la bouche de l'enfant. Il essaya de parler et après quelques efforts, il articula faiblement « Abel, merci ». Monsieur et madame de Grignan complétèrent le remerciement de l'enfant par un regard plein de reconnaissance. Le curé entra, s'approcha du mourant, se hâta de lui donner une dernière absolution, une dernière bénédiction, lui administra le sacrement de l'extrême-onction et se joignit à Monsieur Abel pour réciter la prière des agonisants. Au moment où il dit, d'une voix plus forte et plus solennelle, « Partez, âme chrétienne !» un léger tressaillement agita les membres de l'enfant. Puis survint l'immobilité complète et la respiration déjà si difficile s'arrêta. Le curé se pencha sur l'enfant, bénit ce corps sans vie et se releva en récitant le Laudate Dominum. Monsieur de Grignan voulut emmener sa femme. Elle se dégagea doucement de ses bras, appuya sa joue sur le visage de son cher petit Roger, pleura longtemps et se laissa ensuite emmener par son mari. Suzanne restait à genoux, sanglotant près du corps de son frère, dont elle tenait toujours la main dans les siennes. Monsieur Abel, la voyant oubliée dans ce premier moment d'une grande douleur, la releva, chercha à la consoler en lui disant quelques paroles pleines de cœur sur le bonheur dont jouissait certainement son frère et la vie cruelle qu'il avait menée depuis si longtemps. « Je le sais, » dit-elle, « mais je l'aimais tant. C'était mon frère, mon ami, malgré sa grande jeunesse, que de fois ce cher petit m'a encouragé, aidé, consolé, et à présent... » Suzanne recommença à sangloter avec une violence qui effraya Monsieur Abel. Il l'arracha d'auprès du lit de Roger et, malgré sa résistance, il l'emmena dans le salon. Au bout d'un certain temps, elle parut sensible au témoignage d'affection qu'il lui donnait. « Ma chère enfant, lui dit-il, je ne puis remplacer le petit ange que vous avez perdu, mais je puis être pour vous un ami, un frère, un confident même. » Si vous voulez répondre à l'amitié que je vous offre et payer par la confiance le dévouement le plus absolu. » Le chagrin de Suzanne prit une apparence plus douce après cette promesse de Monsieur Abel. Ses larmes furent moins amères. Sa tendresse pour ses parents aurait son complément dans l'affection d'un ami dont l'âge se rapprochait du sien. Elle demanda instamment à Monsieur Abel de la laisser retourner près de son frère. « Ne craignez pas pour moi, cher monsieur Abel, la prière me fera du bien. Roger a déjà prié pour moi, puisqu'il me donne un ami tel que vous. Laissez-moi le remercier. » Abel la ramena près du lit de Roger. Elle arrosa de ses larmes ses petites mains déjà glacées. En face d'elle priait Abel. Une heure se passa ainsi. Monsieur Abel demanda à Suzanne de prendre quelque repos. Elle répondit par un signe de tête négatif. « Je vous en prie, Suzanne, » dit-il doucement. Suzanne se leva et le suivit sans résistance dans le salon. « Monsieur Abel, Suzanne, promettez-moi d'aller vous étendre sur votre lit. Vous êtes pâle comme une morte et vous semblez exténuée de fatigue. Ma chère Suzanne, soignez-vous, croyez-moi. Vos parents ont plus que jamais besoin de vos soins et de votre tendresse. Suzanne, je vous obéirai, cher monsieur Abel, mais allez voir papa et maman, ils vous aiment tant. Votre présence leur sera une grande consolation. Monsieur Abel, j'irai, Suzanne. Fiez-vous à mon amitié pour les consoler de mon mieux. » Monsieur Abel lui serra la main et la quitta pour entrer chez M. de Grignan. Il le trouva luttant contre le désir exprimé par sa femme de retourner près de l'enfant pour l'ensevelir. « Laissez-la suivre son désir, mon ami, dit M. Abel. Elle sera mieux là que partout ailleurs. Laissez la mère rendre les derniers devoirs à son enfant. » M. de Grignan ne s'opposa plus aux prières de sa femme, qui sortit précipitamment après avoir adressé à Abel un regard éloquent. Fin de la section 16.